Le plus beau sourire est celui de nos mères. Maman, quand je te vois souffrir, ça me met les nerfs. Tu t'es tué au travail pour nous, en contrepartie. T'as subi des mal de dos et d'autres maladies. Je me dois de t'honorer, pas te faire pleurer. Je reste digne et fier comme tu me l'as inculqué. Personne pourra parler ou critiquer sur la façon dont tu m'as éduqué. Maman, tu sais, te voir vieillir, ça me fait mal au cœur. Je te le montre pas, mais au fond de moi j'ai peur que tu t'en ailles, me déstabiliserais. Ça me fait cogiter quand je vois que des gens comme toi nous ont quittés. Ça fait partie de la vie, mais ça fait stresser. J'aime pas te voir sangloter tous les matins assis sur ton lit. Je prends de tes nouvelles et seul ton sourire m'émerveille. Maman, maman, maman. Le plus beau sourire que j'ai vu dans cet enfer, c'est celui qui m'a aidé à surmonter toutes mes galères. Le plus beau sourire et surtout le plus sincère, tu me guides vers la lumière, c'est celui de ma mère. Le plus beau sourire que j'ai vu dans cet enfer, c'est celui qui m'a aidé à surmonter toutes mes galères. Le plus beau sourire et surtout le plus sincère, tu me guides vers la lumière, c'est celui de ma mère. Je me souviens quand tu me prenais la main pour m'amener à l'école ou à la madrasa. La douceur que tu avais pour me sortir de mon lit. Je suis le petit dernier, celui qu'on chouchoute. Je suis ton petit gâté, je trace ma route avec des valeurs sûres pour pas me prendre le mur. Maman, toutes tes émotions, je les reçois et tu le vois dans la prunelle de mes yeux. Je souhaite te voir heureuse, c'est tout ce qui me rendra heureux. Je t'écris ce texte entre deux flammes et je te passe mes salams à toi et toutes les mamans qui accomplissent leur devoir. Pour vous, j'essaierai de jamais dévoyer. Je vous envoie mon respect avec la plus grande des sincérités. Le paradis se trouve sous tes pieds, alors laisse-moi les embrasser pour pouvoir y rentrer. Le paradis se trouve sous tes pieds, alors laisse-moi les embrasser.